Mémoire d'outre-tombe par François-René de Chateaubriand. Première partie, livre 5. Note. Ce livre a été écrit à Paris de juin à décembre 1821. Il a été revu en décembre 1846. Fin de note. Passage en Bretagne, garnison de Dieppe. Retour à Paris avec Lucille et Julie. De l'île de Sales. Jean de Lettres. Portrait. Famille Rosambeau, Monsieur de Malesherbes, sa prédilection pour Lucille. Apparition et changement de Massilfide. Premiers mouvements politiques en Bretagne. Coup d'œil sur l'histoire de la monarchie. Constitution des États de Bretagne. Tenue des États. Revenu du roi en Bretagne. Revenu particulier de la province. Le fouage. J'assiste pour la première fois à une réunion politique. Scène. Ma mère retirée à Saint-Malo. Cléricature. Environ de Saint-Malo. Le revenant. Le malade. État de Bretagne en 1789. Insurrection. Saint-Rivol, mon camarade de collège, est tué. Année 1789. Voyage de Bretagne à Paris. Mouvement sur la route. Aspect de Paris. Renvoi de M. Necker. Versailles. Joie de la famille royale. Insurrection générale. Prise de la Bastille. Effet de la prise de la Bastille sur la cour. Tête de Foulon et de Berthier. Rappel de M. de Necker. Séance du 4 août 1789. Journée du 5 octobre. Le roi est amené à Paris. Assemblée constituante. Mirabeau. Séance de l'Assemblée nationale. Robespierre. Société. Aspect de Paris. Ce que je faisais au milieu de tout ce bruit. Mes jours solitaires. Mademoiselle Monet. J'arrête avec M. de Malesherbes le plan de mon voyage en Amérique. Bonaparte et moi, sous-lieutenants ignorés. Le marquis de la Rouërie. Je m'embarque à Saint-Malo. Dernière pensée en quittant la terre natale. Tout ce qu'on vient de lire dans le livre précédent a été écrit à Berlin. Je suis revenu à Paris pour le baptême du duc de Bordeaux et j'ai donné la démission de mon ambassade par fidélité politique à M. de Villèle, sorti du ministère. Rendu à mes loisirs, écrivons. À mesure que ces mémoires se remplissent de mes années écoulées, il me représente le globe inférieur d'un sablier, constatant ce qu'il y a de tombé de ma vie. Quand tout le sable sera passé, je ne retournerai pas mon horloge de verre. Dieu m'en eût-il donné la puissance. La nouvelle solitude dans laquelle j'entrais en Bretagne après ma présentation n'était plus celle de Combourg. Elle n'était ni aussi entière, ni aussi sérieuse, et pour tout dire, ni aussi forcée. Il m'était loisible de la quitter. Elle perdait de sa valeur. Une vieille châtelaine armoriée, un vieux baron blasonné, gardant dans un manoir féodal leur dernière fille et leur dernier fils, offraient ce que les Anglais appellent des caractères. Rien de provincial, de rétréci, dans cette vie, parce qu'elle n'était pas la vie commune. Chez mes sœurs, la province se retrouvait au milieu des champs. On allait, dansant de voisins en voisins, jouant la comédie, dont j'étais quelquefois un mauvais acteur. L'hiver, il fallait subir à Fougères la société d'une petite ville, les bals, les assemblées, les dîners, et je ne pouvais pas, comme à Paris, être oublié. D'un autre côté, je n'avais pas vu l'armée et la cour sans qu'un changement se fût opéré dans mes idées. En dépit de mes goûts naturels, je ne sais quoi se débattant en moi contre l'obscurité, me demandait de sortir de l'ombre. Julie avait la province en détestation. L'instinct du génie et de la beauté poussait Lucille sur un plus grand théâtre. Je sentais donc dans mon existence un malaise par qui j'étais averti que cette existence n'était pas ma destinée. Cependant, j'aimais toujours la campagne, et celle de Marigny était charmante. Mon régiment avait changé de résidence. Le premier bataillon tenait garnison au Havre, le second à Dieppe. Je rejoignis celui-ci. Ma présentation faisait de moi un personnage. Je pris goût à mon métier, je travaillais à la manœuvre. On me confia des recrues que j'exerçais sur les galets au bord de la mer. Cette mer a formé le fond du tableau dans presque toutes les scènes de ma vie. La Martinière ne s'occupait à Dieppe ni de son homonyme, La Martinière, ni du père Simon, lequel écrivait contre Bossuet, Port-Royal et les Bénédictins, ni de l'anatomiste Péquet, que Madame de Sévigné appelle le petit Péquet. Mais La Martinière était amoureux à Dieppe, comme à Cambrai. Il dépérissait au pied d'une forte cauchoise dont la coiffe et le toupet avaient une demi-toise de haut. Elle n'était pas jeune. Par un singulier hasard, elle s'appelait Cauchy, petite fille apparemment de cette diepoise Anne Cauchy, qui en 1645 était âgée de 150 ans. C'était en 1647 qu'Anne d'Autriche, voyant comme moi la mer par les fenêtres de sa chambre, s'amusait à regarder les brûlots se consumer pour la divertir. Elle laissait les peuples qui avaient été fidèles à Henri IV garder le jeune Louis XIV. Elle donnait à ces peuples des bénédictions infinies malgré leur vilain langage normand. On retrouvait à Dieppe quelques redevances féodales que j'avais vues payer à Combourg. Il était dû aux bourgeois Vauquelin 3 têtes de porc ayant chacun une orange entre les dents et 3 sous marqués de la plus ancienne monnaie connue. Je revins passer un semestre à Fougères. Là régnait une fille noble appelée Mademoiselle de la Bellinaye, tante de cette comtesse de Tronjoly dont j'ai déjà parlé. Une agréable laide, sœur d'un officier au régiment de Condé, attira mes admirations. Je n'aurais pas été assez téméraire pour élever mes vœux jusqu'à la beauté. Ce n'est qu'à la faveur des imperfections d'une femme que j'osais risquer un respectueux hommage. Madame de Farcy, toujours souffrante, prit enfin la résolution d'abandonner la Bretagne. Elle détermina Lucille à la suivre. Lucille, à son tour, vainquit mes répugnances. Nous prîmes la route de Paris. Douce association des 3 plus jeunes oiseaux de la couvée. Mon frère était marié. Il demeurait chez son beau-père, le président de Rosambeau, rue de Bondy. Nous convînmes de nous placer dans son voisinage. Par l'entremise de M. de Lille de Salles, logé dans les pavillons de Saint-Lazare, au haut du faubourg Saint-Denis, nous arrêtâmes un appartement dans ces mêmes pavillons. Madame de Farcy s'était accointée, je ne sais comment, avec de Lille de Salles, lequel avait été mis jadis à Vincennes pour des niaiseries philosophiques. À cette époque, on devenait un personnage quand on avait barbouillé quelques lignes de prose ou inséré un quatrain dans l'almanach des Muses. De Lille de Salles, très brave homme, très cordialement médiocre, avait un grand relâchement d'esprit et laissait aller sous lui ses années. Ce vieillard s'était composé une belle bibliothèque avec ses ouvrages, qu'il brocantait à l'étranger et que personne ne lisait à Paris. Chaque année, au printemps, il faisait ses remontes d'idées en Allemagne. Gras et débraillé, il portait un rouleau de papier crasseux que l'on voyait sortir de sa poche. Il y consignait au coin des rues sa pensée du moment. Sur le piédestal de son buste en marbre, il avait tracé de sa main cette inscription, empruntée au buste de Buffon. « Dieu, l'homme, la nature, il a tout expliqué. » De Lille de Salles, tout expliqué. Ses orgueils sont bien plaisants, mais bien décourageants. Qui se peut flatter d'avoir un talent véritable ? Ne pouvons-nous pas être, tous, tant que nous sommes, sous l'empire d'une illusion semblable à celle de Lille de Salles ? Je parierais que tel auteur qui lit cette phrase se croit un écrivain de génie et n'est pourtant qu'un sot. Si je me suis trop longuement étendu sur le compte du digne homme des pavillons de Saint-Lazare, c'est qu'il fut le premier littérateur que je rencontrai. Il m'introduisit dans la société des autres. La présence de mes 2 sœurs me rendit le séjour de Paris moins insupportable. Mon penchant pour l'étude affaiblit encore mes dégoûts. De Lille de Salles me semblait un aigle. Je vis chez lui Carbonflin des Oliviers, qui tomba amoureux de Madame de Farcy. Elle s'en moquait, il prenait bien la chose, car il se piquait d'être de bonne compagnie. Flin me fit connaître Fontane, son ami, qui est devenu le mien. Fils d'un maître des eaux et forêts de Reims, Flin avait reçu une éducation négligée, au demeurant homme d'esprit et parfois de talent. On ne pouvait voir quelque chose de plus laid, court et bouffi, de gros yeux saillants, des cheveux hérissés, des dents sales, et malgré cela l'air pas trop ignoble. Son genre de vie, qui était celui de presque tous les gens de lettres de Paris à cette époque, mérite d'être raconté. Flin occupait un appartement rue Mazarine, assez près de la Harpe, qui demeurait rue Guénégaud. 2 Savoyards, travestis en laquais par la vertu d'une casaque de livrée, le servaient. Le soir, il le suivait et introduisait les visites chez lui le matin. Flin allait régulièrement au Théâtre Français, alors placé à l'Odéon, et excellent surtout dans la comédie. Brizard venait à peine de finir. Talma commençait, La Rive, Saint-Phal, Fleury, Mollet, Dazincourt, Dugazon, Grand Ménil, Mesdames Contat, Saint-Val, Desgarcins, Olivier, étaient dans toute la force du talent en attendant Mademoiselle Mars, fille de Monvel, prête à débuter au Théâtre Montansier. Les actrices protégeaient les auteurs et devenaient quelquefois l'occasion de leur fortune. Flin, qui n'avait qu'une petite pension de sa famille, vivait de crédit. Vers les vacances du Parlement, il mettait en gage les livrets de ses savoyards, ses deux montres, ses bagues et son linge, payait avec le prêt ce qu'il devait, partait pour Reims, y passait 3 mois, revenait à Paris, retirait au moyen de l'argent que lui donnait son père ce qu'il avait déposé au Mont-de-Piété, et recommençait le cercle de cette vie, toujours gai et bien reçu. Dans le cours des 2 années qui s'écoulèrent depuis mon établissement à Paris jusqu'à l'ouverture des États généraux, cette société s'élargit. Je savais par cœur les élégies du chevalier de Pargny, et je les sais encore. Je lui écrivis pour lui demander la permission de voir un poète dont les ouvrages faisaient mes délices. Il me répondit poliment, je me rendis chez lui, rue de Cléry. Je trouvai un homme assez jeune encore, de très bon ton, grand, maigre, le visage marqué de petites véroles. Il me rendit ma visite, je le présentai à mes sœurs, il aimait peu la société, et il en fut bientôt chassé par la politique. Il était alors du vieux parti. Je n'ai point connu d'écrivain qui fût plus semblable à ses ouvrages. Poète et créole, il ne lui fallait que le ciel de l'Inde, une fontaine, un palmier et une femme. Il redoutait le bruit, cherchait à glisser dans la vie sans être aperçu, sacrifiait tout à sa paresse, et n'était trahi dans son obscurité que par ses plaisirs qui touchaient en passant sa lyre. Que notre vie heureuse et fortunée coule en secret sous l'aile des amours, comme un ruisseau qui, murmurant à peine, et dans son lit resserrant tous ses flots, cherche avec soin l'ombre des arbrisseaux et n'ose pas se montrer dans la plaine. C'est cette impossibilité de se soustraire à son indolence qui, de furieux aristocrates, rendit le chevalier de Pargny, misérable révolutionnaire, insultant la religion persécutée et les prêtres à l'échafaud, achetant son repos à tout prix, et prêtant à la muse qui chanta Éléonore le langage de ces lieux où Camille Desmoulins allait marchander ses amours. L'auteur de l'Histoire de la littérature italienne, qui s'insinua dans la Révolution à la suite de Champfort, nous arriva par ce cousinage que tous les Bretons ont entre eux. Jean Guénée vivait dans le monde sur la réputation d'une pièce de vers assez gracieuse, La Confession de Zulmay, qui lui valut une chétive place dans les bureaux de M. de Necker. De là sa pièce sur son entrée au contrôle général. Je ne sais qui disputait à Jean Guénée son titre de gloire, La Confession de Zulmay, mais dans le fait, il lui appartenait. Le poète rennais savait bien la musique et composait des romances. D'humble qu'il était, nous vîmes croître son orgueil à mesure qu'il s'accrochait à quelqu'un de connu. Vers le temps de la convocation des États généraux, Champfort l'employa à barbouiller des articles pour des journaux et des discours pour des clubs. Il se fit superbe. À la première fédération, il disait « Voilà une belle fête, on devrait, pour mieux l'éclairer, brûler 4 aristocrates aux 4 coins de l'hôtel. » Il n'avait pas l'initiative de ses vœux. Longtemps avant lui, le ligueur Louis d'Orléans avait écrit dans son banquet du comte d'Arrête qu'il falloit attacher en guise de fagot les ministres protestants à l'arbre du feu de Saint-Jean et mettre le roi Henri IV dans le muis où l'on mettoie les chats. Jean Guénée eut une connaissance anticipée des meurtres révolutionnaires. Madame Jean Guénée prévint mes sœurs et ma femme du massacre qui devait avoir lieu au Carme et leur donna asile. Elle demeurait cul-de-sac Férou dans le voisinage du lieu où l'on devait égorger. Après la terreur, Jean Guénée devint quasi-chef de l'instruction publique. Ce fut alors qu'il chanta l'arbre de la liberté au cadran bleu, sur l'air « Je l'ai planté, je l'ai vu naître ». On le jugea assez béat de philosophie pour une ambassade auprès d'un de ces rois qu'on découronnait. Il écrivait de Turin à M. de Talleyrand qu'il avait vaincu un préjugé. Il avait fait recevoir sa femme en paix en l'air à la cour. tomber de la médiocrité dans l'importance, de l'importance dans la niaiserie, et de la niaiserie dans le ridicule, il a fini ses jours littérateur distingué comme critique, et, ce qu'il y a de mieux, écrivain indépendant dans la décade. La nature l'avait remis à la place, d'où la société l'avait mal à propos tiré. Son savoir est de seconde main, sa prose lourde, sa poésie correcte et quelquefois agréable. Ginguené avait un ami, le poète Lebrun. Ginguené protégeait Lebrun comme un homme de talent qui connaît le monde, protège la simplicité d'un homme de génie. Lebrun, à son tour, répandait ses rayons sur les hauteurs de Ginguené. Rien n'était plus comique que le rôle de ces deux compères, se rendant par un doux commerce tous les services que se peuvent rendre deux hommes supérieurs dans des genres divers. Lebrun était tout bonnement un faux monsieur de l'Empiré. Sa verve était aussi froide que ses transports étaient glacés. Son Parnasse, chambre haute dans la rue Montmartre, offrait pour tout meuble des livres entassés pêle-mêle sur le plancher, un lit de sangle, dont les rideaux formés de deux serviettes sales pendillaient sur une tringle de fer rouillé, et la moitié d'un pot à l'eau accoté contre un fauteuil dépaillé. Ce n'est pas que Lebrun ne fût à son aise, mais il était avare et adonné à des femmes de mauvaise vie. Note. Déjà, en 1798, dans une note manuscrite de son exemplaire de l'essai, Chateaubriand avait tracé de Lebrun ce joli croquis. Lebrun a toutes les qualités du lyrique. Ses yeux sont âpres, ses tempes chauves, sa taille élevée. Il est maigre, pâle, et quand il récite son exegi monumentum, on croirait entendre Pindare aux Jeux olympiques. Lebrun ne s'endort jamais qu'il n'ait composé quelques vers, et c'est toujours dans son lit, entre 3 et 4 heures du matin, que l'esprit divin le visite. Quand j'allais le voir le matin, je le trouvais entre 3 ou 4 pots sales avec une vieille servante qui faisait son ménage. « Mon ami, me disait-il, ah, j'ai fait cette nuit quelque chose. Oh, si vous l'entendiez !» Il se mettait à tonner sa strophe, tandis que son perruquier, qui enrageait, lui disait « Monsieur, tournez donc la tête !» Et avec ses deux mains, il inclinait la tête de Lebrun, qui oubliait bientôt le perruquier et recommençait à gesticuler et déclamer. Fin de note. Au souper antique de M. de Vaudreuil, il joua le personnage de Pindare. Parmi ses poésies lyriques, on trouve des strophes énergiques ou élégantes, comme dans l'ode sur le vaisseau, le vengeur, et dans l'ode sur les environs de Paris. Ses élégies sortent de sa tête, rarement de son âme. Il a de l'originalité recherchée, non de l'originalité naturelle. Il ne crée rien qu'à force d'art. Il se fatigue à pervertir le sens des mots et à les conjoindre par des alliances monstrueuses. Lebrun n'avait de vrai talent que pour la satire. Son épître sur la bonne et la mauvaise plaisanterie a joui d'un renom mérité. Quelques-unes de ses épigrammes sont à mettre auprès de celles de J.B. Rousseau. La harpe surtout l'inspirait. Il faut encore lui rendre une autre justice. Il fut indépendant sous Bonaparte. Il reste de lui, contre l'oppresseur de nos libertés, des vers sanglants. Mais, sans contredit, le plus bilieux des gens de lettres que je connus à Paris à cette époque était Champfort. Atteint de la maladie qui a fait les Jacobins, il ne pouvait pardonner aux hommes le hasard de sa naissance. Il trahissait la confiance des maisons où il était admis. Il prenait le cynisme de son langage pour la peinture des mœurs de la cour. On ne pouvait lui contester de l'esprit et du talent, mais de cet esprit et de ce talent qui n'atteignent point la postérité. Quand il vit que sous la Révolution il n'arrivait à rien, il tourna contre lui-même les mains qu'il avait levées sur la société. Le bonnet rouge ne paraît plus à son orgueil qu'une autre espèce de couronne, le sans-culottisme qu'une sorte de noblesse, dont les Marat et les Robespierre étaient les grands seigneurs. Furieux de retrouver l'inégalité des rangs jusque dans le monde des douleurs et des larmes, condamné à n'être encore qu'un vilain dans la féodalité des bourreaux, il se voulut tuer pour échapper aux supériorités du crime. Il se manqua, la mort se rit de ceux qui l'appellent et qui la confondent avec le néant. Je n'ai connu l'abbé de Lille qu'en 1798, à Londres, et n'ai vu ni Rulière, qui vit par Madame d'Egmont et qui l'a fait vivre, ni Palissot, ni Beaumarchais, ni Marmontel. Il en est ainsi de Chénier, que je n'ai jamais rencontré, qui m'a beaucoup attaqué, auxquelles je n'ai jamais répondu et dont la place à l'Institut devait produire une des crises de ma vie. Lorsque je relis la plupart des écrivains du XVIIIe siècle, je suis confondu et du bruit qu'ils ont fait et de mes anciennes admirations. Soit que la langue ait avancé, soit qu'elle ait rétrogradé, soit que nous ayons marché vers la civilisation ou battu en retraite vers la barbarie, il est certain que je trouve quelque chose d'usé, de passé, de grisaillé, d'inaniné, de froid dans les auteurs qui firent les délices de ma jeunesse. Je trouve même dans les plus grands écrivains de l'âge voltairien des choses pauvres de sentiments, de pensées et de style. À qui m'en prendre de mon mécompte? J'ai peur d'avoir été le premier coupable. Novateur né, j'aurais peut-être communiqué aux générations nouvelles la maladie dont j'étais atteint. Épouvanté, j'ai beau crier à mes enfants « N'oubliez pas le français !» Ils me répondent, comme le Limousin à Pantagruel, qu'ils viennent de l'Alm, un clit et célèbre académie que l'on vocite Lutèce. Cette manière de gréciser et de latiniser notre langue n'est pas nouvelle, comme on le voit. Rabelais l'a guérie, elle reparut dans Ronsard, Boileau l'attaqua. De nos jours, elle a ressuscité par la science. Nos révolutionnaires, grands grecs par nature, ont obligé nos marchands et nos paysans à apprendre les hectares, les hectolitres, les kilomètres, les millimètres, les décagrammes. La politique a ronsardisé. J'aurais pu parler ici de M. de la Harpe, que je connus alors et sur lequel je reviendrai. J'aurais pu ajouter à la galerie de mes portraits celui de Fontane. Mais, bien que mes relations avec cet excellent homme prissent naissance en 1789, ce ne fut qu'en Angleterre que je me liais avec lui d'une amitié toujours accrue par la mauvaise fortune, jamais diminuée par la bonne. Je vous en entretiendrai plus tard dans toute l'effusion de mon cœur. Je n'aurai à peindre que des talents qui ne consolent plus la terre. La mort de mon ami est survenue au moment où mes souvenirs me conduisaient à retracer le commencement de sa vie. Notre existence est d'une telle fuite que si nous n'écrivons pas le soir l'événement du matin, le travail nous encombre et nous n'avons plus le temps de le mettre à jour. Cela ne nous empêche pas de gaspiller nos années, de jeter au vent ces heures qui sont pour l'homme les semences de l'éternité. Si mon inclination et celle de mes deux sœurs m'avaient jeté dans cette société littéraire, notre position nous forçait d'en fréquenter une autre. La famille de la femme de mon frère fut naturellement pour nous le centre de cette dernière société. Le président Le Pelletier de Rosambeau, mort depuis avec tant de courage, était, quand j'arrivai à Paris, un modèle de légèreté. À cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d'une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leur père. Les Lamoignons, les Molé, les Séguier, les Daxot voulaient combattre et ne voulaient plus juger. Les présidentes, cessant d'être de vénérables mères de famille, sortaient de leurs sombres hôtels pour devenir femmes à brillantes aventures. Le prêtre en chair évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait plus que du « législateur des chrétiens ». Les ministres tombaient les uns sur les autres, le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d'être américain à la ville, anglais à la cour, prussien à l'armée. D'être tout excepté français. Ce que l'on faisait, ce que l'on disait, n'était qu'une suite d'inconséquences. On prétendait garder des abbés commendataires et l'on ne voulait point de religion. Nul ne pouvait être officier s'il n'était gentilhomme et l'on déblatérait contre la noblesse. On introduisait l'égalité dans les salons et les coups de bâton dans les camps. M. de Malesherbes avait trois filles, mesdames de Rosambeau, d'Aulnay, de Montboissier. Il aimait de préférence Madame de Rosambeau à cause de la ressemblance de ses opinions avec les siennes. Le président de Rosambeau avait également trois filles, mesdames de Chateaubriand, d'Aulnay, de Tocqueville, et un fils dont l'esprit brillant s'est recouvert de la perfection chrétienne. M. de Malesherbes se plaisait au milieu de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Maintes fois, au commencement de la Révolution, je l'ai vu arriver chez Madame de Rosambeau, tout échauffé de politique jeter sa perruque, se coucher sur le tapis de la chambre de ma belle-sœur et se laisser lutiner avec un tapage affreux par les enfants ameutés. C'aurait été du reste un homme assez vulgaire dans ses manières s'il n'eût eu certaines brusqueries qui le sauvaient de l'air commun. À la première phrase qui sortait de sa bouche, on sentait l'homme d'un vieux nom et le magistrat supérieur. Ses vertus naturelles s'étaient un peu entachées d'affectation par la philosophie qu'il y mêlait. Il était plein de science, de probité et de courage, mais bouillant, passionné, au point qu'il me disait un jour en parlant de Condorcet « Cet homme a été mon ami. Aujourd'hui, je ne me ferai aucun scrupule de le tuer comme un chien. » Les flots de la Révolution le débordèrent, et sa mort a fait sa gloire. Ce grand homme serait demeuré caché dans ses mérites, si le malheur ne l'eût décelé à la terre. Un noble vénitien perdit la vie en retrouvant ses titres dans l'éboulement d'un vieux palais. Les franches façons de M. de Malesherbes m'ôtèrent toute contrainte. Il me trouva quelque instruction, nous nous touchâmes par ce premier point. Nous parlions de botanique et de géographie, sujet favori de ses conversations. C'est en m'entretenant avec lui que je conçus l'idée de faire un voyage dans l'Amérique du Nord pour découvrir la mer vue par Hearne et depuis par Mackenzie. Nous nous entendions aussi en politique. Les sentiments généreux du fond de nos premiers troubles allaient à l'indépendance de mon caractère. L'antipathie naturelle que je ressentais pour la cour ajoutait force à ce penchant. J'étais du côté de M. de Malesherbes et de Mme de Rosambeau, contre M. de Rosambeau et contre mon frère, à qui l'on donna le surnom de l'enragé Chateaubriand. La Révolution m'aurait entraîné, si elle n'eût débuté par des crimes. Je vis la première tête portée au bout d'une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d'admiration et un argument de liberté. Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste. N'ai-je pas rencontré en France toute cette race de Brutus au service de César et de sa police? Les niveleurs, régénérateurs, égorgeurs, étaient transformés en valets, espions, sycophantes, et moins naturellement encore en ducs, comtes et barons. Quel Moyen-Âge! Enfin, ce qui m'attacha davantage à l'illustre vieillard, ce fut sa prédilection pour ma sœur. Malgré la timidité de la comtesse Lucile, on parvint, à l'aide d'un peu de vin de champagne, à lui faire jouer un rôle dans une petite pièce, à l'occasion de la fête de M. de Malesherbes. Elle se montra si touchante que le bon et grand homme en avait la tête tournée. Il poussait plus que mon frère même à sa translation du chapitre d'Argentière à celui de Remiremont, où l'on exigeait l'épreuve rigoureuse et difficile des 16 quartiers. Tout philosophe qu'il était, M. de Malesherbes avait à un haut degré les principes de la naissance. Il faut étendre dans l'espace d'environ 2 années cette peinture des hommes et de la société à mon apparition dans le monde, entre la clôture de la première assemblée des notables, le 25 mai 1787, et l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789. Pendant ces 2 années, mes sœurs et moi, nous n'habitâmes constamment ni Paris, ni le même lieu dans Paris. Je vais maintenant rétrograder et ramener mes lecteurs en Bretagne. Du reste, j'étais toujours affolée de mes illusions. Si mes bois me manquaient, les temps passés, au défaut des lieux lointains, m'avaient ouvert une autre solitude. Dans le vieux Paris, dans les enceintes de Saint-Germain-des-Prés, dans les cloîtres des couvents, dans les caveaux de Saint-Denis, dans la Sainte-Chapelle, dans Notre-Dame, dans les petites rues de la cité, à la porte obscure d'Héloïse, je revoyais mon enchanteresse. Mais elle avait pris, sous les arches gothiques et parmi les tombeaux, quelque chose de la mort. Elle était pâle, elle me regardait avec des yeux tristes. Ce n'était plus que l'ombre ou les mânes du rêve que j'avais aimé. Mes différentes résidences en Bretagne, dans les années 1787 et 1788, commencèrent mon éducation politique. On retrouvait dans les États de province le modèle des États généraux. Aussi les troubles particuliers qui annoncèrent ceux de la nation éclatèrent-ils dans 2 pays d'État, la Bretagne et le Dauphiné. La transformation qui se développait depuis 200 ans touchait à son terme. la France passée de la monarchie féodale à la monarchie des États généraux, de la monarchie des États généraux à la monarchie des parlements, de la monarchie des parlements à la monarchie absolue, tendait à la monarchie représentative, à travers la lutte de la magistrature contre la puissance royale. Le Parlement Maupeou, l'établissement des assemblées provinciales, avec le vote par tête, la première et la seconde assemblée des notables, la cour plénière, la formation des grands bailliages, la réintégration civile des protestants, l'abolition partielle de la torture, celle des corvées, l'égale répartition du paiement de l'impôt, étaient des preuves successives de la révolution qui s'opérait. Mais alors, on ne voyait pas l'ensemble des faits. Chaque événement paraissait un accident isolé. À toutes les périodes historiques, il existe un esprit principe. En ne regardant qu'un point, on n'aperçoit pas les rayons convergents au centre de tous les autres points. On ne remonte pas jusqu'à l'agent caché qui donne la vie et le mouvement général, comme l'eau ou le feu dans les machines. C'est pourquoi, au début des révolutions, tant de personnes croient qu'il suffirait de briser telle roue pour empêcher le torrent de couler, ou la vapeur de faire explosion. Le XVIIIe siècle, siècle d'action intellectuelle, non d'action matérielle, n'aurait pas réussi à changer si promptement les lois s'il n'eût rencontré son véhicule. Les parlements, et notamment le Parlement de Paris, devinrent les instruments du système philosophique. Toute opinion meurt impuissante ou frénétique si elle n'est logée dans une assemblée qui la rend pouvoir, la munit d'une volonté, lui attache une langue et des bras. C'est, et ce sera toujours par des corps légaux ou illégaux, qu'arrivent et arriveront les révolutions. Les parlements avaient leur cause à venger. La monarchie absolue leur avait ravi une autorité usurpée sur les États généraux. Les enregistrements forcés, les lits de justice, les exils, en rendant les magistrats populaires, les poussaient à demander des libertés dont, au fond, ils n'étaient pas sincères partisans. Ils réclamaient les États généraux, n'osant avouer qu'ils désiraient pour eux-mêmes la puissance législative et politique. Ils hâtaient de la sorte la résurrection d'un corps dont ils avaient recueilli l'héritage, lequel, en reprenant la vie, les réduirait tout d'abord à leur propre spécialité, la justice. Les hommes se trompent presque toujours dans leur intérêt, qu'ils se meuvent par sagesse ou passion. Louis XVI rétablit les parlements qui le forcèrent à appeler les États généraux. Les États généraux, transformés en assemblée nationale et bientôt en convention, détruisirent le trône et les parlements, envoyèrent à la mort et les juges et le monarque de qui émanait la justice. Mais Louis XVI et les parlements en agirent de la sorte parce qu'ils étaient sans le savoir les moyens d'une révolution sociale. L'idée des États généraux était donc dans toutes les têtes, seulement on ne voyait pas où cela allait. Il était question pour la foule de combler un déficit que le moindre banquier aujourd'hui se chargerait de faire disparaître. Un remède si violent, appliqué à un mal si léger, prouve qu'on était emporté vers des régions politiques inconnues. Pour l'année 1786, seule année dont l'état financier soit bien avéré, la recette était de 412 924 000 livres, la dépense de 593 542 000 livres, déficit 180 618 000 livres, réduit à 140 000 000 par 40 618 000 livres d'économie. Dans ce budget, la maison du roi est portée à l'immense somme de 37 200 000 livres. Les dettes des princes, les acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour était la cause de cette surcharge. On voulait avoir les États généraux dans leur forme de 1614. Les historiens citent toujours cette forme comme si, depuis 1614, on n'avait jamais ouï parler des États généraux ni réclamé leur convocation. Cependant, en 1651, les ordres de la noblesse et du clergé, réunis à Paris, demandèrent les États généraux. Il existe un gros recueil des actes et des discours faits et prononcés alors. Le Parlement de Paris, tout puissant à cette époque, loin de seconder le vœu des deux premiers ordres, cassa leurs assemblées comme illégales, ce qui était vrai. Et puisque je suis sur ce chapitre, je veux noter un autre fait grave, échappé à ceux qui se sont mêlés et qui se mêle d'écrire l'histoire de France, sans la savoir. On parle des trois ordres, comme constituant essentiellement les États dits généraux. Eh bien, il arrivait souvent que des bailliages ne nommaient des députés que pour un ou deux ordres. En 1614, le bailliage d'Amboise n'en nomma ni pour le clergé ni pour la noblesse. Le bailliage de Châteauneuf en Thimerais n'en envoya ni pour le clergé ni pour le tiers-état. Le Puy, la Rochelle, le Lauragais, Calais, la Haute-Marche, Châtellerault firent défaut pour le clergé, et Montdidier et Roy pour la noblesse. Néanmoins, les États de 1614 furent appelés États généraux. Aussi, les anciennes chroniques s'exprimant d'une manière plus correcte disent, en parlant de nos assemblées nationales, ou les trois États, ou les notables bourgeois, ou les barons et les évêques, selon l'occurrence, et elles attribuent à ces assemblées ainsi composées la même force législative. Dans les diverses provinces, souvent le tiers, tout convoqué qu'il était, ne députait pas, et cela par une raison inaperçue mais fort naturelle. Le tiers s'était emparé de la magistrature, il en avait chassé les gens d'épée, il y régnait d'une manière absolue, excepté dans quelques parlements nobles, comme juges, avocats, procureurs, greffiers, clercs, etc. Il faisait les lois civiles et criminelles, et à l'aide de l'usurpation parlementaire, il exerçait même le pouvoir politique. La fortune, l'honneur et la vie des citoyens relevaient de lui. Tout obéissait à ses arrêts, toute tête tombait sous le glaive de ses justices. Quand donc il jouissait isolément d'une puissance sans bornes, qu'avait-il besoin d'aller chercher une faible portion de cette puissance dans des assemblées où il n'avait paru qu'à genoux? Le peuple, métamorphosé en moine, s'était réfugié dans les cloîtres et gouvernait la société par l'opinion religieuse. Le peuple, métamorphosé en collecteur et en banquier, s'était réfugié dans la finance et gouvernait la société par l'argent. Le peuple, métamorphosé en magistrat, s'était réfugié dans les tribunaux et gouvernait la société par la loi. Ce grand royaume de France, aristocrate dans ses parties ou ses provinces, était démocrate dans son ensemble, sous la direction de son roi, avec lequel il s'entendait à merveille et marchait presque toujours d'accord. C'est ce qui explique sa longue existence. Il y a toute une nouvelle histoire de France à faire, ou plutôt l'histoire de France n'est pas faite. Toutes les grandes questions mentionnées ci-dessus étaient particulièrement agitées dans les années 1786, 1787 et 1788. Les têtes de mes compatriotes trouvaient dans leur vivacité naturelle, dans les privilèges de la province, du clergé et de la noblesse, dans les collisions du Parlement et des États, abondante matière d'inflammation. M. de Calonne, un moment intendant de la Bretagne, avait augmenté les divisions en favorisant la cause du tiers-État. M. de Montmorin et M. de Thiard étaient des commandants trop faibles pour faire dominer le parti de la cour. La noblesse coalisait avec le Parlement qui était noble. Tantôt elle résistait à M. Necker, à M. de Calonne, à l'archevêque de Sens. Tantôt elle repoussait le mouvement populaire que sa résistance première avait favorisé. Elle s'assemblait, délibérait, protestait. Les communes ou municipalités s'assemblaient, délibéraient, protestaient, en sens contraire. L'affaire particulière du fouage, en se mêlant aux affaires générales, avait accru les inimitiés. Pour comprendre ceci, il est nécessaire d'expliquer la constitution du duché de Bretagne. Les États de Bretagne ont plus ou moins varié dans leur forme, comme tous les États de l'Europe féodale auxquels ils ressemblaient. Les rois de France furent substitués aux droits des ducs de Bretagne. Le contrat de mariage de la duchesse Anne de l'an 1491 n'apporta pas seulement la Bretagne en dot à la couronne de Charles VIII et de Louis XII, mais il stipula une transaction en vertu de laquelle fut terminé un différend qui remontait à Charles de Blois et au comte de Montfort. La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duché. La France soutenait que la succession n'avait lieu qu'en ligne masculine. Que celle-ci venant à s'éteindre, la Bretagne, comme grand fief, faisait retour à la couronne. Charles VIII et Anne, ensuite Anne et Louis XII, se cédèrent mutuellement leurs droits ou prétentions. Claude, fille d'Anne et de Louis XII, qui devint femme de François Ier, laissa en mourant le duché de Bretagne à son mari. François Ier, d'après la prière des États assemblés à Vannes, unit par édit publié à Nantes en 1532 le duché de Bretagne à la couronne de France, garantissant à ce duché ses libertés et privilèges. À cette époque, les États de Bretagne étaient réunis tous les ans. Mais en 1630, la réunion devint bisannuelle. Le gouverneur proclamait l'ouverture des États, les trois ordres s'assemblaient selon les lieux dans une église ou dans les salles d'un couvent. Chaque ordre délibérait à part. C'étaient trois assemblées particulières, avec leurs diverses tempêtes, qui se convertissaient en ouragan général quand le clergé, la noblesse et le tiers venaient à se réunir. La cour soufflait la discorde, et dans ce champ resserré, comme dans une plus vaste arène, les talents, les vanités et les ambitions étaient en jeu. Le père Grégoire de Rostrenen, capucin, dans la dédicace de son dictionnaire français-breton, parle de la sorte à nos seigneurs les États de Bretagne. S'il ne convenait qu'à l'orateur romain de louer dignement l'auguste assemblée du Sénat de Rome, me convenait-il de hasarder l'éloge de votre auguste assemblée qui nous retrace si dignement l'idée de ce que l'ancienne et la nouvelle Rome avaient de majestueux et de respectable? Rostrenen prouve que le celtique est une de ces langues primitives que Gomère, fils aîné de Japhet, apporta en Europe et que les bas-bretons, malgré leur taille, descendent des géants. Malheureusement, les enfants bretons de Gomère, longtemps séparés de la France, ont laissé dépérir une partie de leurs vieux titres. Leur charte, auquel ils ne mettaient pas une assez grande importance comme les liant à l'histoire générale, manque trop souvent de cette authenticité à laquelle les déchiffreurs de diplômes attachent de leur côté beaucoup trop de prix. Le temps de la tenue des États en Bretagne était un temps de galas et de bals. On mangeait chez M. le commandant, on mangeait chez M. le président de la noblesse, on mangeait chez M. le président du clergé, on mangeait chez M. le trésorier des États. On mangeait chez M. l'intendant de la province, on mangeait chez M. le président du Parlement, on mangeait partout, et l'on buvait. À de longues tables de réfectoire se voyaient assis des Duguesclin, laboureurs, des Duguetrouin, matelots, portant aux côtés leur épée de fer à vieille garde ou leur petit sabre d'abordage. Tous les gentilshommes assistant aux États en personne ne ressemblaient pas mal à une diète de Pologne, de la Pologne à pied, non à cheval. Diète de Scythe, non de Sarmate. Malheureusement, on jouait trop. Les bals ne discontinuaient. Les Bretons sont remarquables par leurs danses et par les airs de ces danses. Madame de Sévigné a peint nos ripailles politiques au milieu des Landes comme ces festins des fées et des sorciers qui avaient lieu la nuit sur les bruyères. « Vous aurez maintenant, écrit-elle, des nouvelles de nos États pour votre peine d'être bretonne. » Monsieur de Chaulnes arriva dimanche au soir au bruit de tout ce qui peut en faire à Vitré. Le lundi matin, il m'écrivit une lettre. J'y fis réponse par aller dîner avec lui. On mange à deux tables, dans le même lieu. Il y a 14 couverts à chaque table. Monsieur en tient une et madame l'autre. La bonne chère est excessive. On remporte les plats de rôti tout entiers. Et pour les pyramides de fruits, il faut faire hausser les portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de machines, puisque même ils ne comprenaient pas qu'il fallut qu'une porte fût plus haute qu'eux. Après le dîner, messieurs de Locmaria et Coëtlogon dansèrent avec deux bretonnes, des passe-pieds merveilleux et des menuets, d'un air que les courtisans n'ont pas à beaucoup près. Ils y font des pas de bohémiens et de bas bretons, avec une délicatesse et une justesse qui charment. C'est un jeu, une chair, une liberté, jour et nuit, qui attire tout le monde. Je n'avais jamais vu les États. C'est une assez belle chose. Je ne crois pas qu'il y ait une province rassemblée qui ait aussi grand air que celle-ci. Elle doit être bien pleine, du moins car il n'y en a pas un seul à la guerre ni à la cour. Il n'y a que le petit Guidon, monsieur de Sévigné le fils, qui peut-être y reviendra un jour comme les autres. Une infinité de présents, des pensions, des réparations de chemins et de villes, 15 ou 20 grandes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies 3 fois la semaine, une grande braverie. Voilà les États. J'oublie 300 ou 400 pipes de vin qu'on y boit. Les Bretons ont de la peine à pardonner à madame de Sévigné ses moqueries. Je suis moins rigoureux, mais je n'aime pas qu'elles disent « Vous me parlez bien plaisamment de nos misères, nous ne sommes pas si roués. Un en 8 jours seulement pour entretenir la justice. Il est vrai que la penderie me paraît maintenant un rafraîchissement. » C'est pousser trop loin l'agréable langage de cour. Barrère parlait avec la même grâce de la guillotine. En 1793, les noyades de Nantes s'appelaient des mariages républicains. Le despotisme populaire reproduisait l'aménité de style du despotisme royal.